Le groupe Samdion de la troupe artistique Mansudae s'est produit du 12 au 28 courant à la ville de Hamon, province du Hamgyon du Sud. Les habitants de la province, y compris les cadres et les vétérans de guerre, y ont assisté. Commencé par la suite de chants des partisans, le spectacle comprend des numéros variés comme la musique instrumentale et le chant « Nous pensons toujours à notre maréchal », le quatuor vocal féminin « La vie n'a pas de sens sans lui », l'ensemble de violons « Nous sommes les cavaliers de Malima », etc. Les artistes ont donné encore leur représentation au complexe de Vinalong Vite-Février, complexe d'engrais de Hungnam et usine textile Una de Tong Hongsan pour encourager les ouvriers.